Et au rock indépendant, la grande famille du rock indépendant. Je m'appelle Jean-François Lusignan, on est ensemble, c'est ça, au courant de la prochaine heure. Et première moitié d'émission ce soir, un peu spéciale, qui va être consacrée pas mal autour de la visite des Rivernets qui sont passés à CISM mercredi dernier. Donc, ils avaient un spectacle en soirée au Corona et sont venus faire un tour à CISM, donc un peu plus tôt dans la journée, pour une prestation acoustique, également pour une entrevue. Donc, je vous présenterai ça dans quelques minutes. Et je vous disais, donc, spectacle au Corona ce mercredi. Et je vais commencer, si vous me permettez, par vous faire jouer une chanson du groupe qui était avant The Revenants. C'est Melody's Echo Chamber, qui est menée par la Française Melody Prochette, c'est ça. Et bien, vraiment, là, j'étais vraiment charmé, je pourrais dire, hein, par ce groupe-là qui a sorti un premier album là, la semaine dernière, ou même cette semaine, je crois, qui s'appelle du même nom, Melody's Echo Chamber. Donc, vraiment, un projet qui me faisait penser à plusieurs moments à Blonde Redhead, mais aussi ben, un petit peu à Stereolab par moment. Donc, une très, très belle découverte que ce groupe-là, qui est très intéressant sur disque, mais encore mieux en spectacle. Donc, je pourrais prédire, peut-être, on pourrait s'attendre à ce qu'ils reviennent en spectacle comme étant le groupe principal probablement dans les prochains mois, peut-être même en 2013, début 2013, c'est pas mal sûr qu'ils vont revenir nous voir, considérant la réaction très positive dans la salle. Alors voilà, donc on écoute ça tout de suite, Melody's Echo Chamber, je vous propose la chanson Crystallized et on se retrouve ensuite pour la prestation acoustique et entrevue des Revenants. Silent. 70s Echo Chamber, la chanson Crystallized. Et le groupe faisait justement la première partie du groupe du duo danois The Revenants lors de leur passage mercredi dernier au Théâtre Corona ici à Montréal. Donc je vous présente maintenant la prestation acoustique et l'entrevue qu'ils ont fait lorsqu'ils sont passés à CISM. Et soyez à l'écoute, j'aurai tout de suite après, environ dans une vingtaine, 20-25 minutes, une copie vinyle de leur dernier album à faire tirer. Donc, copie vinyle de l'album Observator des Revenants. Et pour la traduction française, on fera ça tout de suite après, si vous me le permettez. Et pour s'y rendre, on va écouter une chanson tirée de leur premier album Whip It On, qui est sorti en 2002, la chanson Cops on Our Trail des Revenants. À tout de suite. Driving through the desert looks alright. Driving through the desert looks alright. Going to the place where all the light shines. That's the way we go. Going fast, that's the way we go. Go to the place where all the light shine on. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle The Observator. Nous sommes très, très heureux d'avoir ici, à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM, The Revenants. Just everyday fun. She's dancing in the dancing in the street. Yeah, she's dancing. Plektaget ind i min guitar. Har du et ekstra plektrum? Nej. Du må lige have det ud. This song is called The Enemy. You're always there to remind me. de Ravenettes, Sharon Fu et Soon Rose Wagner. Hi. Hi. Am I pronouncing right your name? Yeah. Yeah, okay. How are you doing? We're good. It's nice to be back in Montreal, and we were here this summer playing the Oshaga Festival, and it's a little bit more pleasant temperature today. Yeah, it was hot this summer. Yeah. Yeah, okay. So you're actually now on tour to promote your new album. Yeah. Observator, mm-hmm. that has been released a few weeks ago. Yeah. Yeah, cool. Great. And how do you feel that now it's released, it's out of your control? Do you feel insecure about that? Or is it, are you more free? Or I don't know. That's a good question, actually. You know, it's nice to go out and play. I feel like maybe early on the tour, people seem to maybe not know the songs that well. Mm-hmm. I feel like now that we're a couple of weeks into the tour and the album has been out and people know the songs a little bit better, mm-hmm. I sort of sense that when we play live. So that's a nice feeling. Okay. And there's a moment when you compose the music that you have to say, okay, it's finished. Mm-hmm. We're going to release the album. Mm-hmm. Is it difficult that time to... Do you want always to make it perfect or no. We're actually we're not perfectionists, actually. I think on the contrary, we kind of like the spontaneity of a moment in time, and I think we've always made albums like that. You know, we're not the kind of band that lingers on an album for years and years. Mm-hmm. It is a moment in time. Mm-hmm. I'm asking this question because I'm looking at your discography. Mm-hmm. It's been 10 years since the first record, and you have released 6 albums. Yeah, we actually consider it 7 because we think that We Belong is an album as well. Yes, and you released also an EP. This spring? Yeah. Also, so you release a lot of things, yes. Well, actually, you know, if we could decide, I think we would actually like, which I think is where we're going, we would like for music to be released very instantaneously, you know, to sort of make songs and release them, you know, a couple of weeks later, because in a way that's, when we release an album, we've already made those songs a while back, and that was that, you know, that those emotions and that kind of frame of mind we were in at that point, and then maybe you've moved on in your life, you know. Okay. So I think we would like it to be like the good old days when you just release a song a couple of weeks later. Yeah, it's more easier now with internet. It's more easier to publish music on the internet and have feedbacks from the fans and... And I guess the fans will be happy to hear that you want to release music more often. I mean, I guess everybody does it differently. You know, some bands, they spend years and years, and that works for them. It just is not how we roll. Cool. Okay, good. So if we talk more precisely about the Observator, the new record, did you have some objective or before starting to record this album? Ways of to work differently or no, not really. All our music is pretty much made the same way, you know, just sit at home and write. So there's really nothing crazy. I heard you maybe took more time with pianos than before, maybe to record this album. Something new, maybe? Well, we used the piano in 3 songs. It's the first time we used piano on songs. We've used synthesizers a lot before, but not like a piano. Okay, and it had an impact on the sound of the album? Yeah, the use of I think piano? It's very beautiful. Mm-hmm. It's a very beautiful instrument, so it's nice absolutely. To... Yeah, and it fits really nicely with the music, so that was really cool. And with your mood at that time when you composed the music also, it fits more than guitar? Or? Well, I mean, the album was written on piano, so it was just a matter of time before we started using it. And it felt pretty natural, actually, I think. Okay, and do you think it's difficult to ask this question. Do you feel for new music that is coming, you're working on right now, it's going to be with piano also? No. The writing, no? I don't think so. No? Okay. Different different music, different approach. Okay. And for this album, you worked at in L.A. with the studio Sunset Sound Studios. Correct. Yeah. Yes. It was the first time for you? Yeah. Yeah. Beautiful place. Mm-hmm. And before, where was it recorded? In my apartment in New York. Okay. And then we went out there. Okay. Yeah. And you work with a guy you work with before? Richard Gottera. Yes, yes. Yes. Yeah. And it was comfortable to work with him or challenging at the same time? He's a really good friend. We've known him for 10 years. We worked on a few albums with him before. Okay. It's easier to work with him? Yeah, very easy. You just buy him some wine. That's the way to do. Yeah. Okay. Yeah. He understands well you. He does. Oh, yeah. He's not the kind of producer that will go in and deconstruct the band and, you know, rebuild it. He's more of, I mean, he's great to have around for focusing on the vocal performances and sort of like the lyrics. And so I think he's just, and also he just adds a good atmosphere. Good vibe. Good it's, vibe, it's important yeah. when you record. Okay. And how much time did it take to record this album? Well, we had a week out there at Sunset Sound, and then we went back to New York and mixed it. Okay. When you said earlier that you don't want to waste time, you don't waste time, huh? Only 1 week. No. Well, honestly, I didn't think we were going to be able to finish it, but we did, and it was, it was, you know, that was all we could afford. And that's great. And actually, you know, if we hadn't finished it, we would have figured out another way to finish it. But it was good. We were inspired by being in that place. There's a lot of history and with the Doors. Yeah, and lots of bands, you know, Led Zeppelin and you know, Prince for that matter. I mean, there's just a lot of very legendary stuff that went down there. So, Do you feel now you have more liberty than before? Than when you started, you can do things. Things you don't want to do, you don't do it anymore. Yeah, I mean, we've always felt totally liberated in terms of whatever we were doing. I think. Okay. So no, in terms of the music and albums, and we've always just done whatever we wanted to do. Okay. Even when we were assigned to a major label, they just kind of let us do our thing, and so so. I think actually we're the kind of band that might confuse our fans sometimes because we really do make different albums, and so we don't. We try to not repeat ourselves, you know. And you can still have the label of an indie band, maybe still on the line between an indie band. Yeah, indie I think and popular band at the same time. Yeah, yes. I don't know. I don't really think we fit any real. No, that's the good box. Thing. Yes. Maybe it's a bad thing. I don't know. Okay. Because you obtained some success with a song in the movie, if I'm wrong? That I don't know. In TV? We've had many songs in movies. Okay, you don't count them anymore. Okay, there's people taking count of it. Yeah, okay. No, we've had. Okay. Yeah, so maybe it can have an effect on the crowd. Do you have younger people in your shows? Or? Depends I think on where we play. Yeah, I think we really have a very broad spectrum of an audience and fans. I mean, everything from, you know, 65-year-olds to people that write us and email us that they're very upset that they can't go to the show because it's not all ages and they're not old enough. And so, I mean, I think that's kind of the beauty, actually, of the Raveness, that we can appeal to a lot of different ages. Absolutely, yes, okay. And soon, Rose, you work with Dum Dum Girls recently. Have you been working with them for a long time? Since their second album. Okay. Yeah. And now they are releasing, I think, new music this week. It just came out, yeah. Yeah, okay. And what's your part of work with them? What's your role in? I sit with the songwriter Dee Dee, and and I play up pretty much all the instruments, and we talk about the songs and arrangements and stuff, and so I guess producing and playing on the album, okay. And do you feel it has an effect on your when you compose music for the Raveness, working with other artists? Different approach? Maybe, I'm not sure. I mean, she's an interesting one to work with because I respect her a lot. I think she's a really talented songwriter and a really great singer. So, and she knows what she wants, which is nice. Mm-hmm. Yeah. Okay. So in some way, you're being influenced by people you're working with. As yeah, with you the could Shireen say that. Also, okay. I mean, she's influenced by us, and I think that shows too in her music, and it's nice to sort of give inspiration to others, and then in return being inspired too, so that's cool. Oh, cool, okay. Yeah. And you released, I think 2 weeks ago, a new video for the song The Enemy. Oh, yeah. Yeah, it's a pretty cool video. Well, thanks. Very simple. Yeah, there's actually, there's a funny story with that video, because we went to London to make the video, and we had originally planned to work with this team. And then they canceled a couple of days before we were going to shoot, and we were on our way to London. Okay. So then we found Imogen, like, completely through a mutual friend who's a photographer who also did the photos, our press photos, and he recommended Imogen. She's a young girl from Australia that just started, you know, making movies or little films, art films. So it was a great experience. It was very, you know, spur of the moment and a good atmosphere. And it's one of the songs on the album that you, Shireen, you're more as the lead in the song, so that's a good thing. We like it as fans. Okay, good, thanks. And that's a message for you too. And maybe we can say again that you're now on tour to promote The Observator. Yeah. You're in Show Montreal this week, and you're playing with Melody Echo Chamber. Yeah. Yes. From Paris. Yes, really cool singer. New artist, I think. Yeah, very new. So we're going to say to people to buy your album, The Observator. Yes, buy our album. Come and out. Do you plan to do new things in the few months? What is your project? No, we're just going to tour. We're touring. Yeah. Okay, simple. Yeah. Compose music and tour. Just tour. I don't think it's going to be a lot of composing happening. No, not on tour. Okay. Touring, going to Europe, playing in Mexico, playing in the US. Cool. You know, all around the world. Okay, cool. So, Shireen and Shun Rose, thank you for being here at CISM. Thanks for having us. Real pleasure. Thank you. Bye-bye. Okay. Alors voilà, c'était l'entrevue avec les The Ravenettes qu'on a réalisé mercredi dernier lors de leur passage dans les studios de CISM. Donc, très, très belle rencontre avec le groupe. Ce qui est drôle, c'est que le lendemain, ils étaient à David Letterman, donc la veille, donc la journée avant à CISM. Donc, dans la même semaine, deux émissions un peu différentes. Donc, c'est cool que le groupe soit passé à la station. Et ça démontre en même temps aussi que CISM est un incontournable, en fait, lorsque des groupes pertinents passent à Montréal. Je vais vous traduire ou résumer en quelques instants, en quelques lignes, l'entrevue qu'on vient d'entendre. Donc d'abord, le groupe nous a parlé donc de leur nouvel album, Observator, qui est sorti il y a quelques semaines. Et concernant la création de cet album-là, l'enregistrement, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas très, très perfectionnistes. Ils préféraient souvent se laisser aller, donc pas prendre trop de temps pour peaufiner. Donc ce qui fait que en 10 ans de carrière, ils ont sorti quand même 7 albums. Donc, eux, ils préconisent de ne pas trop s'attarder ou pas trop travailler, plutôt se concentrer sur créer d'autres musiques. Et même qu'ils voient dans l'avenir des possibilités pour sortir des chansons de façon encore plus fréquente, peut-être pas sous forme d'album, sous forme peut-être de single ou d'autres choses comme ça. Donc, très intéressant. Et par la suite, ben, on a parlé aussi du fait que, ben, en fait, ils ont fait le commentaire que souvent, quand ils enregistraient un album, ben, ils se rendaient compte que quand celui-ci sortait, les émotions qui avaient inspiré, en fait, l'album, souvent étaient rendues ailleurs dans leur vie. Donc, comme par exemple Observator, on se rend compte que c'est un album qui est quand même assez sombre, et là, on voyait que il était peut-être rendu ailleurs dans leur vie, justement, aujourd'hui. On a aussi ensuite parlé de la composition de l'album. Donc, pour la première fois, il y a des chansons sur lesquelles il y a du piano. Donc, 3 chansons en fait sur l'album. Et le compositeur du groupe, du duo, Soon Rose Wagner, disait qu'en fait, toutes les chansons avaient été d'abord composées sur piano, ce qui était une première parce que par le passé, c'était plutôt sur guitare que ça avait été composé. Ensuite, on a parlé qu'ils sont rendus à LA pour la première fois, à Los Angeles, pour plutôt enregistrer cet album-là avec Richard Gallera, qui est un réalisateur avec qui ils ont déjà travaillé par le passé, avec qui il y avait déjà une complicité et un climat propice à travailler, et que c'est un réalisateur qui ne tentait pas de déconstruire leur son, qui leur laissait en fait tout le champ libre pour plutôt les accompagner au moment de, par exemple, d'enregistrer les voix. Donc, ils se sentaient bien en travaillant avec lui. Et on a aussi parlé que depuis leur début, ben, je leur ai demandé si, avec l'expérience, avec la popularité, s'ils sentaient qu'ils avaient plus de liberté qu'à leur début. Puis ils m'ont dit non, depuis le début, même si on était sur un gros étiquette au début, on a toujours senti qu'on pouvait faire le son ou la musique, qu'on n'a pas de pression pour de la part de l'étiquette là, du label. Donc, on s'en libre depuis les débuts de notre carrière. Et on a parlé que, ben, ils sentent en fait dans le spectacle et avec les messages qu'ils reçoivent. Ils sont très contents d'avoir un public qui est assez large, donc autant des adolescents que des gens beaucoup plus vieux. Donc ça, c'est quelque chose qui leur fait très, très plaisir. Et finalement, on a parlé encore avec Sun Rose Wagner de son rôle avec les Dum Dum Girls qui sortait dans ces jours-ci un nouveau EP. Et donc, il nous disait qu'il a travaillé avec la chanteuse et compositrice Didi à la composition des chansons, aux arrangements, puis il a joué pas mal de tous les instruments sur son dernier album, dernier EP qui vient de sortir. En fait, il travaille avec le groupe depuis leur deuxième album. Et on a discuté un peu de l'impact que ça peut avoir, le fait de travailler avec d'autres artistes sur le son même des Ravenettes. Puis il a avoué, donc, Sun Rose, qu'il y avait probablement une influence de Dum Dum Girls sur le dernier album des Ravenettes. Et finalement, bon, on a parlé de leur vidéo pour la chanson The Enemy qui est sortie il y a 2 semaines et qui avait une petite histoire derrière tout ça. Donc, je vous invite à aller voir ça. Alors, voilà ce qui fait le tour pour l'entrevue avec The Ravenettes. J'ai avec moi, je vous disais en début d'émission, non, je ne l'ai pas dit, une copie vinyle de l'album Observator. Donc, vous pouvez m'appeler tout de suite. J'ai une question par contre pour vous. Nommez-moi une chanson de cet album-là. Il peut m'appeler tout de suite au 514-343-CISM. 514-343-2476. On écoute tout de suite Sea Pony Outside sur les ondes de CISM. autre nouveau groupe local qui rock en français, et c'est tant mieux. Il s'appelle Boma Bango. C'était la chanson Poppenheimer qui se retrouve sur un EP gratuit de 3 chansons que vous pouvez retrouver sur, évidemment, Bandcamp et qui est sorti le printemps dernier. J'ai pas eu de gagnant pour la copie vinyle de l'album Observator des Revenants. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez m'appeler pendant le prochain segment musical. Toujours au 514-343-CISM 343-2476. On va maintenant écouter une formation de Munich en Allemagne qui disent beaucoup aimer Joy Division. Bon, ils ne sont pas les seuls ces temps-ci à dire ça et ça s'entend aussi dans leur son. Et il s'appelle Out on a Limb. Vous allez entendre avec la chanson Just Regrets et l'album, lui, s'appelle Drowned. Il sera suivi de Metagruo et la chanson Corvette. Tout ça sur les ondes de CISM, La Marge. le duo de Californie, mais maintenant établi à Brooklyn, Writer. Et ça s'écrit avec toutes des lettres majuscules, Writer. La chanson Hot Days que vous venez d'entendre, et c'est le premier extrait d'un album qui s'appelle Brother Face et qui va paraître un peu plus tard, à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois d'octobre. Et il y a d'ailleurs une chanson pour cette chanson-là, Hot Days, et qui semble avoir été enregistrée pendant une journée particulièrement chaude de l'été dernier. Alors allez voir ça sur Internet. Beaucoup de sueur pour cette chanson du groupe Writer. On va entendre... l'émission de ce soir tire pas mal à sa fin. Il reste plus que 5 minutes. On va entendre tout de suite Filthy Hands, un groupe local de Montréal, la chanson Roddy Jackson. On se reparle ensuite pour le mot de la fin. Complète cette édition du Terminus pour le 5 octobre. Si vous voulez réécouter l'entrevue et prestation acoustique avec The Revenants et toute l'émission complète, également aussi, trouver la liste des chansons que vous jouez ce soir, vous pouvez toujours vous rendre sur le cism893.ca et restez à l'écoute dans quelques minutes. C'est l'émission La Mi-Fi qui suit avec Zikia Mendes Et on va se quitter, nous, avec une chanson qui est sur Dinosaur Jr., qui est sur leur dernier album, qui figure sur le palmarès de CSM cette semaine. Je crois que c'est en 5e position. Ce sera la chanson Recognition. Alors voilà, je m'appelle Jean-François Lusignan. Passez une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h. À la prochaine. Ciao. Look what I've done. Didn't make the best of that one. I arrived feeling sure, but ended up all insecure. How does it feel to be lost in your creation, underneath the vow of a lie, and situation improvised? A sign of recognition, good to know, can survive. It's spinning and numb every night. Too bad. Samedi le 20 octobre à l'Olympia de Montréal. Spectacle métal bénéfice pour Opération Enfant Soleil avec Wishmaster. Hommage à Nightwish. Et plus de 100 artistes sur scène mettant aussi en vedette Open Fist. Hommage à System of a Down. Et Alcoholica. Ultime hommage à Metallica. Billets en vente à l'Olympia et sur le réseau Admission. Information wishmaster.ca. La fraîcheur de l'automne arrive à grands pas et le Tabasco Bar est l'endroit pour te réchauffer. Goûte à l'été 12 mois par année lors de nos populaires lundis Mojito Double. Viens découvrir les mardis Beautiful, où tu pourras boire un litre de Molson X ou ton drink préféré in das boot. Les fans d'électro seront envoûtés par nos mercredis Magnifico, où le Pichette Boréal se marie avec la meilleure musique électronique de DJ Enzo Gary. Et tout nouveau au Tabasco Bar, les jeudis Beat the Clock. Non, non, pas casser la montre. Beat the clock. De minuit à 1h, chaud. De 11h à minuit, épicé. De 10h à 11h, Tabasco hot. Enfin, termine ta semaine avec la légendaire soirée des dames Fresh Fridays. Un cocktail frais de musique fruité toute la soirée. Le Tabasco Bar souhaite aux étudiants une très belle rentrée. De notre côté, on s'occupera de vos sorties. Information tabascobar.com. Tes week-ends sont plutôt secs? Écoute les préliminettes. Le samedi, de 23h à minuit. Evenco et Greenland présentent Black Label Society. De retour au Metropolis le 20 octobre. Avec invités, Protest the Hero, Pop Evil et Messer. Il est disponible dès maintenant au evenco.ca et ticketmaster.ca. Black Label Society, le 20 octobre au Metropolis. Une présentation d'Evenco et Greenland. Right. Vous écoutez CISM. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. élaboré dans ses feuilles. Marie-Laure Marie-Lé. C'est ça. Ça, c'est sur des ondes de voyons donc. Ah oui, la radio... Qui s'inspire des dieux grecs. Qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure... CISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors, on monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Lof Jazz, 13e édition du 4 au 12 octobre. Plus de 120 musiciens, 25 concerts répartis sur 7 jours de festival. Talent, créativité et projets ambitieux au rendez-vous dans différentes salles de Montréal. Programmation et informations sur lofjazz.com. Lof Jazz, osez le jazz. Yann Perrault présente son nouvel album « À genoux dans le désir », disponible le 9 octobre chez votre disquaire préféré. Ne manquez pas les spectacles de lancement au Club Soda le jeudi 11 octobre et vendredi 12 octobre. Billets disponibles sur clubsoda.ca ou au 514-286-1010. « À genoux dans le désir » confirme l'unicité du talent de Yann Perrault pour transporter